vraiment autre chose. 168e édition, rendons-nous compte, ça fait beaucoup, ça fait plaisir. Et c'est aussi la 6e édition des hors-séries au pied de la lettre. Au pied de la lettre, eh bien, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'avec l'équipe de Vraiment Autre Chose, nous avons décidé de partir à l'assaut de la Nurse with Wound List. Alors, un petit peu de mise en contexte si vous avez raté les épisodes précédents. Previously on Vraiment Autre Chose. Eh bien, la Nurse with Wound List, il s'agit d'une liste d'influences qui était insérée dans le tout premier album du groupe Nurse with Wound. 244 noms, ils en rajouteront par la suite dans leur deuxième album pour arriver à 290 noms dans cette Nurse with Wound list. Les musiciens de Nurse with Wound, Steve Stapleton en tête, étaient des gros fans de musique expérimentale, et dans les années 70, bah, il n'y a pas internet, donc pour écouter de la musique expérimentale, il faut aller voir les copains qui s'y connaissent, et surtout les disquaires, et c'est ce que faisait Steve Stapleton, qui a passé sa vie dans les disquaires, à chercher, à chiner les disques de musique expérimentale, de musique d'avant-garde. Il a d'ailleurs, du reste, au cours d'un de ses chinages, rencontré de son futur John Fogerty, qui fera partie lui aussi de Nurse with Wound. Et voilà, c'est donc deux grands amateurs de musique qui écoutent des kilos et des kilos de musique et qui décident de devenir musiciens et de sortir leur premier album donc sous le nom Nurse with Wound, tout en disant bah, nous on n'a même pas appris à jouer des instruments, il suffit de savoir écouter pour savoir faire de la musique. C'est un peu ce que prônait Nurse with Wound. Et cette liste au fil du temps est devenue une espèce de Saint Graal pour les collectionneurs et les amateurs de musique progressive, étrange, bizarre, avant-gardiste, expérimentale. Et tous ces groupes, certains sont très connus, hein, Crimson, Zappa notamment, mais il y a des groupes complètement obscurs qui, grâce à cette liste, eh ben, sont restés dans la lumière parce que les disquaires se sont mis à ressortir les disques qui faisaient partie de la Nurse with Wound list, par faire des bacs Nurse with Wound. Enfin, c'est devenu un peu la hype, si j'ose dire, hein, pour reprendre un terme actuel, des musiques avant-gardistes. Et c'est cette liste donc qu'on a décidé de vous présenter au cours d'une série de hors-série. Je crois qu'on en a pour une quarantaine. Là, c'est la 6e. Ce soir, on va vous parler de la lettre B. J'ai dit on va vous parler car je ne suis pas seul dans les studios comme je l'ai plus ou moins spoilé dans le pré-générique, puisque je suis en compagnie du délicieux et irremplaçable Guénolé Akbral. Abgral. Abgral, je foire non, à chaque c'est fois. Pas grave. C'est... Bonsoir en tout cas, Guénolé. Ben, salut Manu, coucou tout le monde. En compagnie aussi de Stéphane, le retour de Steph, punaise, ça fait plaisir, camarade, que tu sois à nouveau parmi nous. Oh là là, sous les vivas, les applaudissements, merci beaucoup. Eh bien oui, je suis de retour, je suis là, I'm back. Eh ben, c'est ça. Et bonsoir à tous, à tout le monde, à chers auditeurs, on va se régaler de ce... belle émission qui arrive. Ben ouais, carrément. Et puis, nous sommes trois dans les studios, mais nous sommes aussi accompagnés d'une voix off, d'une voix qui nous vient d'outre Internet et d'outre Quivrain, en l'occurrence, la personne de mon ami Nico. Bonsoir, Nico. Bonsoir tout le monde, bonsoir. La voix estat-terrestre de Bruxelles. Salut. Salut. Eh ben, ça fait plaisir de t'avoir parmi les nôtres et on est parti pour une grande exploration de musiques expérimentales. Stéphane, la Nurse with Wound list, tu connaissais avant ? Eh bien non, c'est toi qui m'en as parlé le premier, je ne connaissais pas du tout. Donc je t'avoue qu'en plus j'ai regardé la Nurse Wound list et j'ai même pas écouté au final le groupe Nurse with Wound. Donc, c'est bien, ton courrier, parce que, tu vois, on fait un truc et j'étais en train de me dire, mais j'ai pas écouté Nurse with Wound. On n'est pas à la lettre N, faudra attendre la lettre N. Ah, donc, c'est le mystère, c'est ça. Ouais, en plus, ils se sont même pas auto-inclus dans la liste, donc désolé Stéphane. Bah, si t'écoutes la toute première émission qu'on a consacrée à cette liste... Là, j'ai pas eu le temps, hélas, mais... je l'écouterai, évidemment, sur Internet, tu ne manqueras pas de nous le rappeler... quand il faut. J'étais sur le point de le faire, je sais pas s'il faut, mais... Oh, allez. Tu veux que je le dise ? Allez, c'est moi qui le dis. Parce que, évidemment, sur Internet, il y a un putain de blog, vraiment autre chose, qui existe depuis maintenant. Pouf. Et puis quand on a créé les blogs ? 2001 ? Ouais, à peu près. Donc, et donc, sur ce blog, vraiment autre chose, vous pouvez retrouver les anciennes, celles où je suis là, on est tous les deux dans la cabine et on débute. Et puis, au fil du temps, il y a Guénolé qui me remplace, qui fait de l'entrisme, et puis ça marche pour lui, donc je cède volontiers. Et puis, celle où je reviens, et celle où je ne suis pas revenu de la semaine d'avant, mais que je n'ai pas écouté, voilà, où vous avez déjà abordé les Nurse with Wound. mais je n'y manquerai pas. Voilà, et ce blog dont tu parles, eh bien, il suffit de taper vraiment autre chose haut et fort sur un moteur de recherche et vous tombez sur ce blog. Vous pouvez aussi réécouter tout ça sur le Mixcloud de Radio Radio. Bon, vous tapez Mixcloud et Radio Radio et vous tombez évidemment dessus. C'est magique. Et on peut réécouter toutes ces anciennes émissions, celles sur la Nurse With On List et les autres. Alors attaquons là cette Nurse With On List. Au cours des 5 épisodes précédents, nous avons parlé de tous les groupes et artistes commençant par la lettre A. Puis nous avons abordé la lettre B, toute dernière émission. Et cette fois-ci, on continue la lettre B. Et on va partir en Suisse avec Anton Bruin. Je ne sais pas si vous connaissez Anton Bruin, les amis. C'est là tout le plaisir de la Nurse With Wound List, pardon. Que de découvrir tout un tas de gars. Effectivement, tu parlais de Crimson, Zappa, il y a Hard Beers, il y a la clique d'Enrico et tous ces groupes. Donc, on en connaît certains ici, mais là, on rentre dans l'inconnu. Dans la neutralité, j'aime dire. Bah, tout à fait, la neutralité, oui, puisqu'il s'agit d'un artiste suisse né à Laeken en 1949. Mais je ne vais pas faire la bio, on va aller directement en 1969. C'est là que sort l'album dont on va parler, qui s'appelle Von Goldapfischer, Les Pêcheurs d'Or. Que dire de cet album ? Ben, c'est un très très très bon album. Je suis très content d'en parler. Ça fait quelques émissions que je voulais le placer, qu'il n'y avait pas le temps. Très très bel album, très surprenant, composé de 20 morceaux qui vont de 1 à 3 minutes. On peut presque parler de vignettes. Et on est sur une espèce de musique folk, étrange, très dadaïste. Il y a un esprit de post-68 art, apparemment des paroles plutôt anards, que j'ai pas traduit. En tout cas, il y a un côté tout à fait foutraque et très très agréable dans l'écoute de cet album. Après l'écoute de cet album, voilà, ça, je vous disais tout à l'heure en préambule que la Nurse With On List avait fait ressortir des albums obscurs. Alors celui-là, il n'a jamais été réédité. Donc je vous aurais bien fait écouter le vinyle d'origine avec plaisir, mais celui-ci se monnaie sur eBay à $900. Et du coup, ben, on va se contenter d'écouter quelqu'un qui a eu la gentillesse de numériser cet album. Donc je vous le dis de suite, ça va un peu craquer, ça va être un peu le son du vieux vinyle, ce son chaud et agréable qui fait plaisir à entendre. Et en parlant de plaisir d'entendre, ben prenons de suite le plaisir d'entendre les deux titres qui introduisent cet album. Donc on va s'écouter Lola, suivi de Hoop Hoop, et puis on en reparle un petit peu tout à l'heure. Wenn ich dort Löcher von meinen Schuhen Leute sehe tanzen und Fensterläden geschlossen sind und der Holunderbusch im Garten aussen sich neigt im Dunkeln, schmeigt im Wind dann wissen alle Kinder Lola will eine Welle rollen und die Häuser sind krumm und rummle brummelt und rummle rumpelt heirali heirali bum bum bum Haut der Mami's Kübeli diddledum und die Häuser sind krumm. Die Lola will eine Welle rollen. Thank you. C'est les petits crépitements du vinyle d'Anton Bruin, Von Goldlach Fischer, qu'on est en train de découvrir. C'est payé, salaud. Hein. Hein, ah ouais, bah c'est ouais. Bah, c'est-à-dire la radio, ça paye. Ouais. Du coup, je me suis fait un petit plaisir. Non, non, hélas, mais c'est vrai que j'aurais plaisir à l'avoir en vinyle parce que c'est un disque que je pense que je réécouterai souvent. C'est très plaisant, tu vois. C'est que des petites vignettes comme ça. Si t'aimes pas un morceau, c'est pas grave, il dure juste deux minutes. Il y en aura d'autres. Et dans l'ensemble, bah, en fait. C'est ce que tu dis est tout à fait juste. J'ai moyennement apprécié le premier. Le second était plus folklore dans l'esprit que tu. Mais c'est cool. Bah, c'est ça aussi, c'est que les morceaux se ressemblent pas forcément non plus. Et ouais, c'est un chouette voyage que cet album-là. Bon, je vais vous présenter un petit peu cet artiste, donc, qui est né à Laeken en Suisse en 1949. À partir des années 60, il est très très prolixe. Il écrit des poésies, il fait des peintures, il se met à la musique, il fait du happening. Et c'est surtout ce qui le caractérise en tant que musicien, c'est le travail qu'il a pu faire sur la guimbarde. Et c'est comme ça qu'il fait parler de lui et qu'il arrive aux oreilles de Steve Stapp. Appleton et qu'on le retrouve dans cette Nurse with Wound List. Ce disque, comme je vous le disais, il est rare, il n'a jamais été réédité, il est très cher. Dans ce disque, notre ami Anton Bruin joue de l'harmonica, de la flûte, du violon, de la guimbarde donc, et aussi du spon. Le spon, c'est un instrument qu'il a inventé lui-même à partir d'un tube de PVC et d'une hanche de saxophone. On s'écoutera ça tout à l'heure, vous allez voir, c'est un son plutôt rond et plutôt chaleureux. Dans ce disque, il est accompagné de comparses musiciens en les personnes de Stéphane Whitmer qui fait la guitare électrique et de Christian Corradi qui joue de la contrebasse ou de la violoncelle. Pardon. Donc 20 titres au total qui composent cet album, voilà, sur cet esprit un peu freak folk qui moi me fait un peu penser à du Eugène Chadbourne. Mais... peut aussi préfigurer, enfin pas préfigurer, mais en tout cas on peut entendre un petit côté un peu Zappa aussi dans sa musique, ou Captain Beefheart pour ce côté un peu dégueulasse. Je disais le Tom Waits de Suisse romande. Ouais, voilà, on peut aussi voir ça, ouais, carrément. C'est très, comme on dit aujourd'hui, enregistré, les premiers, de toute façon que c'est enregistré maison, quoi. Ça fait, je sais pas, mais ça a l'air en tout cas. Ouais, c'est clair. Ça sonne bien. Ouais, cool. Ouais. Il y a un son qui est quand même assez rond au final et plutôt plaisant. Quelle année tu dis ? On est en 1969 là. Bah ouais. Et pour le reste, on va s'écouter deux titres de plus. Hein. Bah, on va pas bouder le plaisir. Tropelfish Q et Congo. Donc toujours tiré de cet album de Anton Bruin. Et puis on en reparle encore tout à l'heure. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Weil Truppe die Schlüsse gebracht worden sind, dann ist ich mit der Morgen. So ist es in dem kurzen Pischema, ich muss schon sagen, ich muss gestern. Sitzen die Leute auf den Stühlen und jeder hat ein Aquarium auf den Knie mit dem Tropenfisch drin. Et voilà encore un bel aperçu de ce qu'on peut entendre dans cet album donc de Anton Bruin, von Goldbach Fischel. J'ai vraiment du mal à le prononcer, ce nom de cet album. Anton Bruin, c'est déjà plus facile. Je vous ai parlé tout à l'heure de la guimbarde. On n'en a pas encore entendu, mais on va en entendre. Elle est assez présente dans cet album et assez présente du reste dans toute l'œuvre de Anton Bruin, qui par la suite sortira deux albums dans les années 70, plutôt orientés poésie sonore, où là il est... Le deuxième album, il fait carrément pas de musique, il récite des poèmes un petit peu dada et un petit peu répétitif. Par la suite, grand trou dans sa carrière, on le retrouve dans les années 90 où il sort un album assez dispensable, je dirais, autour de la guimbarde, qui s'appelle Anton Bruin joue de la guimbarde, et où il reprend par phase de 30 secondes des airs traditionnels, mais jouer à la guimbarde, ça n'a pas un grand intérêt, je ne vous mentirai pas. C'est un don de savoir jouer des airs traditionnels à la guimbarde. Bard. Ça, parce que il non, faut reconnaître. Il joue Frère Jacques, des trucs qu'on connaît tous ou Non, j'avoue ou il dit que c'est des airs traditionnels. Voilà, il dit que c'est des airs traditionnels. Ah, okay. J'ai pas été vérifié. En tout cas, c'est pas que ce soit déplaisant, c'est qu'on en a vite fait le tour. En tout cas, enfin, je vous avoue que j'ai pas fait le tour en entier au bout de quelques morceaux. Je me suis dit bon, voilà, s'il y a vraiment Noé, que si de la guimbarde. Sommeil, si t'as pas sommeil, prends la guimbarde. Noé, Noé. Carrément. Mais ouais. Alors que là, vous allez voir la guimbarde, elle est un petit peu trifouillée, elle est un petit peu triturée au niveau du son, et il en sort quelque chose d'assez étrange à l'image de cet album. Je me suis arrêté justement sur cet instrument, guimbarde, parce que c'est quelque chose qui me Moi, j'en ai une à la maison, quoi. On écoutait ça dans Ennio Morricone, toujours notamment, de la guimbarde. Notamment, mon ami Stéphane, et la... tu as une guimbarde chez toi. Est-ce qu'il s'agit d'une guimbarde idioglotte ou d'une guimbarde hétéroglotte? Parce que je vais vraiment vous parler un peu de la guimbarde. Ça dépend. Si on doit rentrer dans des débats après, je ne veux pas répondre à cette question. Mais je dirais hétéroglotte. Hétéroglotte, ben, je pense que tu dis vrai. La guimbarde idioglotte, c'est une guimbarde dont la hanche, on sait que la guimbarde est un instrument à hanche libre. Dans la guimbarde idioglotte, la hanche est coupée et taillée dans le même matériau que ce qui l'entoure. Mmh. Contrairement à la guimbarde hétéroglotte, où là, la hanche est fixée sur un support. En général, les guimbardes métalliques qu'on a, j'en ai une à la maison, j'ai vérifié, c'est fixé, elle aussi. Est hétéroglotte. T'as un kazoo aussi, on pourrait faire un album duo guimbarde kazoo, ce serait sympa ça, sur des airs traditionnels. Ouais. Breton. The Grand Kazoo. On va entendre on va entendre tout à l'heure le Spon, tu vas voir qu'il y a des moments où c'est pas très très loin du kazoo, là, cet instrument qu'a inventé Anton Bruin. La guimbarde est un instrument qui a, ça m'a interrogé, qui a 1000 noms différents à travers les pays. C'est un instrument qui s'est très très vite développé, c'est assez léger. Je crois qu'il y a même la guimbarde éthiopienne, si je ne me trompe pas. Attention, c'est France Culture. Mille noms pour la guimbarde. La plupart des noms, en gros, c'est des associations, c'est-à-dire tu vas retrouver en première partie un mot qui exprime la bouche, les lèvres ou les dents, et en deuxième partie un terme qui veut dire harpe ou trompe. Voilà. En général, surtout en Europe, la guimbarde, elle est comme ça. Elle est Mundharpa en Norvège, Mundharp au Danemark, Huliharpu en Finlande, Doramb en Hongrie et Drimba en Ukraine, par exemple. Il y a vraiment, mais je crois que chaque pays à peu près a un nom différent pour la guimbarde. En anglais. C'est assez surprenant. On va y venir en anglais parce que c'est très surprenant. On va y venir de suite. En anglais, c'est Jew's Harp, la harpe du juif. Ah, carrément. Ça m'a un peu déconcerté. Je me disais, pourquoi appeler ça la harpe du juif? Alors, il y a deux théories. Il y en a une qui parle d'une déformation, c'est-à-dire que le terme original aurait été Jaws Harp, la harpe de mâchoire. Mmh, forcément. Et donc, par déformation, ça devient Jaws Harp. Et une autre théorie, qui apparemment est plus étayée, qui dirait que c'est Jaws Harp, tout bêtement, parce que ce sont des marchands juifs qui ont introduit cet instrument en Angleterre. Donc, on a appelé ça la harpe des juifs, vu que c'est des juifs qui l'avaient amené. Ce qui est d'autant plus surprenant que la guimbarde, on ne la retrouve absolument pas dans la musique traditionnelle juive. Elle n'apparaît pas du tout dans ce type de musique-là. Mais voilà, en Angleterre, on appelle ça la Jaws Harp. Et nos amis les Anglais sont les seuls à associer la guimbarde, non pas aux dents, à la bouche, à une partie de l'anatomie, mais à la judaïté. Mais à un peuple. Voilà. Donc, après le krautrock, donc après le rock choucroute, ben maintenant la harpe juive. Ben, dis donc, voilà. Nos amis anglais savent pointer du doigt les différences culturelles, quoi. Ben ouais, c'est clair. Tout ça pour un album dispensable quand même. On en aura beaucoup plus appris finalement sur la guimbarde que sur cet album. Non, c'est l'album des années 90 d'Anton Bruin qui est dispensable, parce que ce qu'on va entendre maintenant, ce qu'Anton Bruin fait de la guimbarde dans Von Goldbach Fischl, sincèrement, pour le coup là, ça vaut carrément l'écoute, et on va se faire cette écoute de suite. Donc on écoute deux derniers titres pour finir. Le premier s'appelle Trumpy, entre parenthèses Cheng. Cheng étant un autre nom de la guimbarde, là, plutôt en Asie. Et on va terminer cette exploration de cet album de Anton Bruin par un titre qui s'appelle Schlandi. À tout à l'heure. Go. Ce dernier morceau d'Anton Bruin à la guimbarde. Et du coup, Manu, tu voulais peut-être un peu parler de l'histoire de la guimbarde, l'étymologie française. Ouais. En tout cas, content d'avoir passé ces deux morceaux après avoir un peu teasé l'instrument. Et il fait souvent ce type de son dans cet album-là, Anton Bruin. Et c'est vrai que la guimbarde entendue comme ça, un peu avec ses effets, c'est plutôt rare. Et moi, je suis assez fan. Et oui, je parlais de la guimbarde dans toutes les langues. J'ai pas parlé de la langue française. Pourquoi guimbarde ? Eh ben, parce que ça vient d'un terme patois provençal. Guimbarder, ça veut dire aller de travers. Voilà, c'est plutôt péjoratif le nom qu'on a donné en France à cet instrument. Et c'est le nom qu'on donne à une vieille guitare désaccordée ou à une vieille voiture, là, une vieille guimbarde. Voilà. Et voilà pourquoi okay. En France on appelle ça la guimbarde. On fait un peu le tour de la guimbarde à travers les nominations de pays. Tu es toujours là, Nico ? Oui, je suis toujours là. Et est-ce que tu sais aussi comment on appelle ça en néerlandais ? Non, vas-y. Ah, c'est comme en anglais, un jodenharp. D'accord. Un jodenharp. Ok, donc. Jodenharp. Ok, en Hollande aussi, ce sont des marchands juifs qui ont amené l'instrument là-bas, alors à croire. Donc c'est saxon, anglo-saxon, quoi. Ouais. Et ben... Bah ouais, mais sur cette filiation hollandaise, peut-être Steph, tu nous parlais de... Ah, pour un, c'est mon tour, c'est vrai que oui. c'est le coup. Alors là, tu vois, la transition était tellement soudaine, là, mon cher Yeno, que. Ouh, ok. Eh bien, oui, effectivement, c'est mon tour, puisque j'ai choisi de vous présenter le groupe Banten. Banten, groupe hollandais, nom qui vient d'une ville à côté de Jakarta. Voilà, pour faire un petit peu de géographie, rester dans la culture, on apprend toujours quelque chose dans vraiment autre chose. Donc c'est un groupe hollandais de 1971 qui a sorti cet album éponyme en 1972. Un petit quintet assez orienté, moi je dirais vers le jazz. Attends que je me change un peu le micro. Voilà. Assez orienté vers le jazz. Alors, le jazz, la musique rock, de suite on dit jazz rock, jazz fusion, tout ce genre de trucs. On pense à John McLaughlin, à Chick Corea, à Frank Zappa, à qui on veut, à l'école canterburyenne. En tout cas, ces Hollandais, ils ont choisi de faire le truc à leur manière, avec un combo qui n'est pas commun, voilà, pour du jazz. Voilà. Donc, appelez ça du jazz fusion comme vous voulez. Je trouve quand même que le batteur est un peu dans l'esprit du jazz. Et puis, il y a un des morceaux qu'on va écouter qui nous indique clairement qu'ils sont amoureux de cette musique. J'entends par là le jazz bebop des années 50, puisqu'on écoutera un titre de Thelonious Monk. Mais on va écouter Dick Dick pour commencer avec ce quintet, donc qui se compose d'une batterie, d'une basse, et d'une contrebasse plutôt, d'un clavier, d'un violoncelle et d'une percu et voire kazoo. Tu vois, donc kazoo, gambard, le duo, n'est pas si qu'on pourra faire un album comme ça, ça me le dit. Je vous passe mon accent hollandais qui est horrible. Et donc, Nico, si tu souhaites énumérer le nom des musiciens tout à l'heure, ils t'en seront gré, je suppose. Mais en attendant, on écoutera Dick Dick pour leur rendre hommage. Banten. Thank you. Voilà, donc vous venez d'écouter Dick de Banten. Alors, au premier abord, effectivement, c'est du jazz, hein, j'ai pas menti. On classait ça, donc, comme je disais, on parlait un peu du thème jazz expé, jazz rock, etc. J'ai cité tout un tas de noms pour rigoler. Mais il reste assez jazzy avec donc cette particularité d'avoir un violoncelliste et puis de pas vraiment être dans les canons typiques du jazz. Hop, je prends le solo sur le thème, le refrain, blablabla, on part et c'est à fond. On est moins free que des trucs d'Ornette Coleman, mais évidemment, il n'y a pas de cuivre, etc. Mais très bon pianiste, et j'ai trouvé que le batteur y drivait particulièrement très très bien. On va écouter Monk's Mood, comme je disais tout à l'heure, c'est un titre du grand pianiste jazz Thelonious Monk. Ceux qui connaissent la version originale seront déjà surpris d'un morceau qui est énormissime, puisque le pianiste, le compositeur est un génie. Et on va voir comment Banten s'en sort plutôt pas mal. Bon, Nico, tu parles le néerlandais, donc je crois que c'est mieux que tu prononces le nom de ce fabuleux pianiste à ma place. Oui, je veux bien. C'était parce qu'il y a deux pianistes sur cet album-là, je ne sais pas si tu es en courant. Donc il y a Henri Vonk qui joue sur un morceau, mais ici, le pianiste qu'on vient d'entendre, c'est Rob van den Broek. D'accord, tu vois, tu as bien fait de le dire. On n'y serait pas arrivé. Et aussi comme le violoncelliste qui jouait l'instrument électronique, parce qu'en général, il joue le violoncelle acoustique, mais ici, sur la majorité des morceaux, sur l'instrument électrique, et c'était Ernst Reisiger, qui était aussi membre de ICP Orchestra, et on va le reparler à la fin de l'émission avec Han Benning. D'accord. Tout concorde. Mais tiens, Nico, tu as la parole, garde-la. Je garde la parole. Oui. Ah ben voilà, c'est ton tour. Ah, c'est mon tour. Tu vois, ça, il m'a fait pareil, Guénolé, là, tout à l'heure. En plus, c'était pas son tour, le pire. Ça surprend, ouais. Hein. Normalement, c'est... Et Manu te fait pareil. C'est pas son tour, il te dit que c'est ton tour. C'est n'importe quoi, cette émission. Ouais. Mais je pense... Parce que c'est pas à Gwenolière, maintenant. Non, si on a bien suivi le plan de bataille, c'est effectivement, c'est ton tour de nous présenter le groupe que tu as choisi. Voilà, donc c'est pas vraiment un groupe. On va parler... C'est un artiste... On va parler en premier d'un album solo de lui. Maintenant, on va y aller vers l'Angleterre, Londres. Il y a un phénomène qui s'appelle Steve Beresford. C'est un musicien qui joue plein d'instruments et qui est aussi un membre de London Improvisers Collective. Et donc, à nouveau, la musique d'improvisation qu'on retrouve dans le Banton qu'on vient justement d'entendre. Il y a des musiciens qui sont un peu liés. Peut-être que c'est mieux d'écouter un premier morceau avant que je continue d'expliquer un peu qui est Steve Beresford. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Lieutenant Dub. Thank you. Waouh. Ça s'enchaîne sur quelque chose ou ça s'arrête comme ça? Ça s'arrête comme ça. Ah ouais, donc, très, très, très marrant. Ouais, hyper bien, punaise. Ouais. Chouette morceau. Donc ça, c'est son boulot, son travail en solo, quoi. Tout à fait. Et là, on entend directement aussi déjà qu'il utilise beaucoup des instruments. Donc, c'est vraiment un multi-instrumentaliste. On le connaît plutôt pour son utilisation de cornet qu'on va entendre dans quelques instants avec le tuba qu'il utilise souvent dans les autres projets. C'est aussi un musicien qui était commencé avec son premier album, était sorti en 73. Il a aussi joué ensemble avec Derek Bailey dans le groupe Company, où il a aussi joué avec The Alberations, avec David Toop, Derry Day et Peter Chusak, et aussi avec The Three Pullovers, avec Nigel Combe et Roger Smith. Mais il a aussi travaillé avec Gavin Bryars, Brian Eno, vraiment dans tous les styles différents. Il a continué à pratiquer l'improvisation libre avec un certain nombre de musiciens de premier plan, dont Evan Parker, Lord Coxhill, John Zorn et Han Benning. Mais il a aussi collaboré avec des musiciens suisses-américains comme Christian Marclay ou, comme j'ai déjà dit au départ, le London Improvisers Orchestra. Mais là, okay, il a également travaillé avec un certain nombre de musiciens populaires, notamment Ray Davies, The Slits, probablement vous connaissez ça bien, Ted Milton, The Blurred, The Flying Lizards. Et The Flying Lizards, on va encore reparler au moment qu'on arrive aux lettres F dans le Nursery Wound List, parce qu'il a aussi repris dans cette liste-là. Il a aussi participé avec un groupe qui ont créé que deux albums, c'est The 49 Americans. Et ça, c'est pour moi un album légendaire. Je pense que je ne dois pas trop dire. Peut-être qu'on va écouter un morceau et après je reviens pour donner quelques petites mini-informations. Donc on va écouter le morceau qui s'appelle Sounds Like Ska. Tout à l'heure, c'était Lieutenant Dub, là, c'est Sounds Like Ska, donc on voit que le monsieur aime bien s'amuser avec des musiques festives pour en faire tout à fait autre chose. C'est hyper bien. Ouais. Et aussi, cet album-ci, c'est vraiment un projet festif. C'est un projet qui a été créé par l'Américain Andrew Brenner, qui a s'installé à Londres fin des années 70, je pense que c'est 79, qu'il a s'installé, il a créé un supergroup, donc avec Steve Beresford, ensemble avec David Toop, Max Eastley, Lord Coxhill, Peter Chusak, mais aussi avec Viv Albertine de The Slits, Vivian Goldman qui a créé aussi un classique de Dirty Washing et toutes des choses comme ça. Et donc, pour moi, ça reste un album incroyable. J'ai trop peu de mots pour dire que le sublime de cet album-là. Donc, je pense qu'on va écouter encore deux morceaux et après, le chapitre est terminé de The 49 Americans. Et on va écouter Should Be More ID et Heritage. Très bien. Mais on se revoit tout à l'heure, Nico. Tout à fait. Oui. Je reste en ligne. À toutes. We should more solve those problems. No stupid, stupid, stupid contradictions. For something completely different. From Columbia Pictures, rated PG. And now for something completely different. Worse than the Holy Grail. The police and let's get in love. I said, let's get in love. I said, let's get in love. Don't kneel, don't kill, have it so. Let us fuck the Jesus people. Doesn't God love you anyway? But let us sell the owners and the stores for forbidden games. You know, God might save the queen. But we have to save our souls. I said we have to save our souls. Bien sur Radio Radio 106.8 sur l'émission Vraiment Autre Chose, en la présence des pères fondateurs, des grands-pères fondateurs, enfin je sais pas, des ancêtres. C'est parce que j'ai la barbe. Oui, voilà, ça va être ça. Et du coup, vous pouvez écouter ça. Je suis devenu un hipster, j'ai passé 40 ans. Grand-père hipster, bah, tu cultives le paradoxe. Moi je trouve qu'une fois de plus, la jeune génération est un brin insolente. La jeune, oui. Oui, oui. Vraiment autre chose. Une émission par réac, c'était mieux avant. Hein. je l'ai déjà insulté de Pascal Pro, donc c'est bon. Nicolas, qui est aussi avec nous en direct de Bruxelles, ou à côté, enfin, on ne va pas donner ton adresse. C'est comme ça. Ton musicien anglais, on a fait une transition un peu abrupte, on a dit l'heure et tout, mais. On n'avait pas l'habitude de faire au moins genre on récapitule l'heure ou on récapitule l'émission. On récapitule à la fin en général. On récapitule à la fin, ouais. Mais quand même les deux morceaux un petit peu de ton artiste mériteraient de juste que je note son prénom parce que je ne l'ai pas fait et donc tu peux me le redire s'il te plaît. Oui, donc c'était Steve Berford avec la formation de 49 Americans et on a entendu deux morceaux, Should Be More ID et Heritage, et les deux venant d'un album sublime qui était sorti en 80, un peu aussi comme l'album solo qu'on entend juste avant aussi de Steve Beresford. Et l'album de 49 Americans c'était E Pluribus Unum et qui était sorti sur le label Choo Choo Train Records. Ben dis donc. Tu parlais de Vive Albertine, oui, la chanteuse des Slits, il me semble. Elle est partie de cette formation, tout à fait. D'accord, ouais, parce que je ne savais pas du tout qu'effectivement, j'ai compris un petit peu, on trouvait ça reggae, même Manu a vu sa période reggae hein, dans sa vie. Tu te rappelles, quand tu étais jeune, tu ne crachais pas sur LKJ. Et donc, LKJ, ce n'est pas du reggae. Ouais, si on veut, mais c'est un anglais justement, et on est bien dans ces sons de reggae anglais bien lourds. Et il y avait tout à l'heure un des morceaux que tu passais où il y avait carrément un reggae sans basse, on l'entendait, il n'y avait pas besoin qu'elle y soit. Il joue vraiment avec les subtilités de cette musique et c'est très intéressant, quoi, parce que c'est une musique sympathique quand elle groove bien, quoi. Et il faut dire que là, lui, il la détricote, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, il est encore en exercice, monsieur ? Nico, je m'adresse à toi, pardon. J'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce qu'il est encore en exercice ? Est-ce que la carrière, les 49 Americans, il y a que cet album ou ça continue après ? Il y en a deux albums de 49 Americans. Le deuxième, c'était sorti deux ans d'après. Il y a aussi un maxi. Le maxi, ça va encore. Le deuxième album est beaucoup moins intéressant que ce premier-là. Ok, on s'y reprend. Et il est toujours en activité, sinon ? Steve Beresford, oui, donc il a commencé en 73, mais il est encore actif actuellement, et donc il joue vraiment dans tous des styles très très différents. Et justement, après avoir écouté ces deux morceaux de 49 Americans, on a glissé à tout à fait autre chose, Nose for Something Completely Different. Et là, Guinolé, c'est toi qui va nous en parler, de qu'est-ce qu'on a écouté, cette guitare. C'est à toi. Alors oui, c'est à moi. Ah, enfin. Transition. oui, merci Manu. Du coup, on a écouté France de Bill, qui est sur cette Northwest One List. Alors, il est sur cette Northwest One List avec un album et avec un violoniste, Einar Arnhaus. Mais là, je voulais commencer par une chanson de lui tout seul, fait quelques années plus tard. Donc là, c'est en 84. Donc, c'est lui, Franz De Bill, qui est un guitariste, chanteur, qui est tout seul. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur lui parce que... Alors, je sais pas s'il est très calé niveau cookie, niveau tout ça pour brouiller les pistes sur Internet, mais j'ai rien trouvé sur lui. Et du coup, comme je disais à Manu au tout début, vu que je n'ai pas grand-chose à dire, je vais lui caler une autre chanson de lui 5 ans après l'album qui, moi, m'a marqué beaucoup en découvrant. Enfin, vraiment, ça m'a vachement touché. Et alors... C'est du coup Franz De Bill, guitariste et vocaliste, avec Einar Arnhaus. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé aucune information, si ce n'est que Einar Arnhaus s'est suicidé apparemment un an après cet album, paru en 1970, n'est-ce pas Nico ? Et voilà, donc c'est une guitare, un violon, c'est un peu de la folk blues. Et ça dure, c'est un morceau de 20 minutes. Il y a un passage au milieu de 7-8 minutes qui laisse exprimer les instruments, quoi. Et je trouvais ça très beau. Le gars, il a une très belle voix. C'est très bien enregistré. Si vous écoutez ça chez vous, il y a la stéréo qui est vachement travaillée. Donc, il y a quand même la post-prod. Et voilà, c'est assez touchant. Et donc, mettez les casques, quoi. Ouais, mettez les casques. La pochette d'album est assez troublante, c'est un peu ces deux hommes nus, vraiment tout nus, mais très chevelus, qui sautent. Donc, ça t'a fait peur ? Non, ça fait pas peur, bon, bah, à part pour peut-être que le parental advisory serait de rigueur, en tout cas pour la pochette. Mais je vous propose d'écouter ce morceau de 20 minutes. T'es comme ça, toi ? T'es PRMC, tout ça, quoi. Et on parlera de Zappa dernier, donc... Ouais. De toute façon, on a déjà parlé, Guino, le parental advisory, c'est surtout sur la drogue. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a dans cette musique ? Bah, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que. Bon, alors, consommez pas de drogue, ne mettez pas votre casque et n'écoutez pas cette musique. Tout posément. Donc, ce morceau, si je ne m'abuse, je ne l'ai pas sous les yeux, Manu, mais c'est I'd rather. I'd rather drink muddy water. Voilà, qui est une chanson qui existe. I'd rather drink muddy water. Ouais. Avant qu'on l'écoute, Nico, est-ce que tu as toi qui, des fois, va au-delà des cookies et des internets, est-ce que tu as des informations à nous donner sur Franz De Bill? Bah, il y a Franz De Bill et Band qui a aussi un truc qui s'appelle Tom Waits à la carte. Et je pense qu'il va jouer ça le 1er juillet, cette année-ci. Exactement. J'ai vu ça, c'est la seule information que j'ai eue. Et voilà. Il devait le jouer en 2020. Et du coup, il devrait le jouer en 2021, le 1er juillet. À Paris? Non, je pense que c'est dans un obscur club berlinois. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Bon, ben, j'espère qu'il y aura un peu de lumière. Tom Waits à la carte. Genre, tu te pointes, il te joue tout Tom Waits. Quel talent. À la carte, entrée, plat, dessert. Ah bah, c'est clair qu'il y a à boire et à manger en plus dans l'œuvre de Tom Waits. Donc ouais, ça tombe il doit bien avoir 200 morceaux. Si tu en tombes un au hasard, bam, allez, je te le joue. Bon, ben, je ne sais pas ce qu'on va voir, mais en tout cas, on va s'écouter I'd Rather Drink Muddy Water par Franz De Bill et Einar Aunhaus, tiré de l'album qui s'appelle Franz De Bill et Einar Aunhaus. On a dit le casque, mais pas le drogue, et écoutez pas ce qu'il dit. Allez, c'est parti. Un petit whisky, si vous voulez, même si vous vous appelez pas Noé. Mais sans coca. Mais sans coca. What to do? Ja, da haben wir doch nichts mit zu tun. Das Band läuft. Wir waren schon pinkeln. Baby, we gotta have a little talk. I don't my back door, my baby will walk. I know that darling go from hand to hand. Before I let you go from man to man, I better drink money, wanna sleep out in the hall, hall, hall. Yeah. I work for you like a dog and mule. My baby life would call me fool. If she's not as sweet can be. Before I let you make a fool out of me, I better drink money, wanna sleep out in the hall, hall, hall. I love you, my baby, but you won't be fair. I know the holiday on the square. Here you go, my baby, if you must. Before I leave a woman, I cannot trust. I drink money, water, sleep out in a hole, hole, yeah. Oh, yeah. Thank you.

traditionnel jingle. Waouh, il fallait ça pour redescendre. C'est marrant parce que vraiment, il y a des moments où on perçoit la ligne droite toute tracée, on voit à peu près où est-ce qu'on va aller. Et puis, il y a vraiment des instants hyper surprenants, puis des instants qui durent quand même assez longtemps. Et puis, il y a un peu ce truc qui revient là, il y en a un des deux qui tient plus ou moins une tourne, qui est vraiment de base. Mais alors l'autre, par contre, il ne fait pas du tout un solo de base. Ouais, c'est ça, ouais. C'est belle complicité entre ces deux musiciens et ouah, super morceau. C'est à ta connaissance, ouais, tu me diras, tu m'as déjà dit en préambule que tu n'avais pas réussi à choper beaucoup d'informations et que le monsieur était très secret. On est sur de l'improvisation, sur de la musique écrite, entre les deux apparemment. Ouais. Je saurais pas te dire, vu la post-prod, bon, il y a quand même. C'est du blues, hein, j'ai envie de dire, c'est de l'impro, ça. Hein. C'est de l'impro, mais il y a quand même la post-prod, il y a du. Enfin, tu sens une complicité, enfin, je pense que c'est juste le terme à retenir de cet album, c'est la complicité dans l'improvisation, dans le son, et puis dans. Ben voilà, ça commence, comme tu as dit, ça commence de manière. Voilà, très blues. Enfin, ah, c'est la bonne grille d'accords qui groove bien, voilà. Qui est très blues. Et puis, il y a une vrille, quoi. Ben, un petit peu comme le faisait dans un tout autre genre Steve Beresford avec la musique reggae. Ouais. Bon, ben là, il s'amuse avec le violon à aller péter les codes de la musique blues. À fond, puis il revient sur ses pattes, quoi. Et puis, il y a vraiment... Ben, moi, je le vois comme une... Quand une montagne, alors je sais pas quelles sont les montagnes, à part la montagne noire en Allemagne, parce que j'ai pas dit, mais Franz De Bille et Einar Arnau, c'était allemand. Bon, je pense que vous avez peut-être compris vu ma prononciation. Mais voilà, du coup, moi j'ai vachement aimé, je sais pas pourquoi, parce que ça se détache de tout ce qu'on a entendu, parce que c'est très calme, très folk blues, très intimiste, très... Enfin, t'aimes quand ça part en sucette, quoi. Et j'ai aimé le ne pas être être surpris par, enfin, je m'attendais à un passage qui continue comme ça, puis en fait non, ils sont partis en sucette totale, quoi. Et c'est les sucettes, on en aimerait qu'elles durent éternellement comme dans les livres de Roald Dahl. Et je sais pas, moi j'avais juste envie de demander à Nico Si tu connaissais ce morceau et ce que tu en avais pensé. Comme Steph vient de dire, c'est vraiment du style de blues pur et dur. Et on voit bien aussi que l'alcool joue un rôle important pour lui. Parce qu'il est aussi accusé à ce niveau-là. Hein. J'ai trouvé un article autour de ça et que ce n'est pas très, très agréable. Et là, il explique aussi pourquoi que tous ces websites sont clôturés. Parce qu'il a vraiment violé une femme et toutes des choses comme ça. Oh. À cause de drogue, de l'alcool et toutes des choses comme ça. C'est... Oh là là. Bon, je te remercie de l'information. Ok, mais oui. D'accord. Alors là, si on te prend dans un prochain débat sur faut-il juger l'œuvre ou l'artiste, voilà. Là on te tient. Là. Bon, du coup, je dirais que je suis content d'avoir entendu ce morceau avant d'avoir eu cette information, parce que je ne l'aurais pas écouté après. Mais d'accord. Comment on va passer par question vendeur et là c'est pareil. Il va falloir faire gaffe à ce qu'on dit. On en a parlé la dernière fois, là c'est Tony qui nous a parlé d'un groupe suédois dont on soupçonnait assez fortement des alliances avec l'extrême droite. Bon, on l'a appris sur la fin après avoir écouté. Mais il y a ça aussi. Hein, on parle de musique. Bon, j'ai bien fait de poser la question du coup. La musique n'est qu'une onde qui vient aux oreilles. Je sais bien, mais là, pour le coup, là, l'onde, elle s'est fracassée. Là. C'est vrai que les affres de l'âme humaine, on les retrouve chez les musiciens, parce que les musiciens sont des gens. Et effectivement, c'est vrai que ça fait un peu redescendre l'ambiance. Du coup, je vais passer complètement à autre chose. Je vais passer à Brainstorm, groupe allemand. Je commence par une petite question, Guénolé, Stéphane, Nico, est-ce que vous connaissez ce groupe Brainstorm? Non, franchement, j'ai du tout. J'aurais dit, tiens, ça fait mauvais groupe de heavy metal, mais je ne connais pas du tout. Je sais pas, c'est un nouveau jeu, un nouveau game board. Non, c'est un blind test là, pour savoir un peu si vous connaissez ce groupe. Bêtement, Nico, tu connais, toi? Non, je ne connaissais pas avant, donc Ok. Eh ben, moi non plus, je connaissais pas avant. Et dès les premières Chers secondes auditeurs, de... Si vous connaissiez ce groupe, appelez. Si ouais. personne appelle, c'est que personne ne connaissait. Eh ben, vous allez voir, ça va peut-être vous faire pareil qu'à moi. C'est-à-dire, je connaissais pas. Je mets et je suis là, mais attends, mais j'ai déjà entendu ça. Mais c'est fou. Mais ça me dit vraiment quelque chose. Ok, ils ont fait un pot pourri des gros tubes des années 70 à la Sweet Smoke et à les Brainstorm pour aller savoir... Pas forcément, mais je dirais qu'ils ont, ils ont ingéré des influences qui sont aussi un peu les miennes sur certains endroits et que c'est un son, bon, peut-être que j'écoute plus trop en ce moment, mais que j'ai quand même beaucoup écouté et qui m'aurait été... À l'époque où t'écoutais LKJ ? À l'époque où j'écoutais Soft Machine, notamment. Tu parlais tout à l'heure de l'école de Canterbury, ben là, on est en plein dedans au niveau de l'influence. Hein. Tu sens que ces gens ont bouffé du Soft Machine, en tout cas le premier album ça et probablement de quand, le deuxième. Vas-y. Ça date de 1971, cet album qui s'appelle Smile a While. On va s'écouter un petit morceau. Ben on ouais. est vraiment à fond dans, pour le coup ben dans l'école de Canterbury. Bouche, ouais. Allez. Carrément. Et puis on en repart juste après. On écoute le titre qui introduit l'album et qui s'appelle Das Schwein Trugd. Excusez pour mon accent. We'll be right back. Ah ben. On vient de s'écouter le premier titre de l'album Smile Wild par le groupe Brainstorm. C'est assez marrant. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il vaut mieux, puisque je n'ai pas écouté le groupe Nurse with Wound, est-ce qu'il vaut mieux écouter le groupe à la fin après avoir écouté toute la liste ou avant? Parce qu'alors après tout ce qu'on vient d'écouter, ce groupe a des influences sacrément bizarres. Ce morceau-là, ça fait très... si vous aimez la Lalochifrine, ça commence à la Lalochifrine. Puis à un moment, c'est Chuck Mangione, limite la croisière s'amuse avec un saxophoniste qui part en hard, limite free, mais limite, hein, vraiment, pour toucher un petit peu. Et puis, ça revient avec un thème comme ça. C'est assez étonnant. C'est bizarre, la musique. Comment doit sonner le groupe Nurse with Wound, pour moi? Mais ce morceau était excellent. Le batteur, putain, il jouait comme Steve Gadd ou ce genre de gars-là. Ça envoie du steak sévère. Hein. Ouais, c'est plutôt bien fait, la musique de Brainstorm. Vraiment ridicule, quand même. Ouais, bon, alors justement, on va parler un petit peu de leur nom, mais de leur nom, de leur album. C'était un groupe dans lequel on décèle très facilement des influences canterburyennes, comme je disais tout à l'heure. Il y a quelques morceaux chantés, on voit que ça part du côté de Robert Wyatt, avec plus ou moins de réussite. Bon, les passages chantés ne sont vraiment pas ceux qui m'ont le plus Là, ce que tu as mis, pour moi, ça sonne pas vraiment du tout Robert Way. Il y a un petit peu de mathématiques par-ci par-là, là. Ils font des breaks. Mais bon, franchement, c'est beaucoup moins planant que... J'ai trouvé que ça sonnait comme... ouais, tu vois, ça faisait générique de télé à un moment, là, le début. C'est excellent, hein. Moi j'adore ça, la Lalochifrine, tous ces trucs, Bullitt, ça me fait kiffer. Mais là, je trouvais ça étonnant, quoi. En tout cas, je note que ça te fait comme à toi, de suite penser à d'autres choses. Ce groupe Brainstorm, à la base, s'appelle Fashion Pink. On est à Baden-Baden, en Allemagne, à la fin des années 60. Ils ne savent pas choisir leur nom, quand même. C'est vrai qu'ils ont un souci. Tu vas voir, tout au long de leur carrière, c'est un petit problème. Fashion Pink devient Brainstorm. Putain. Fashion Pink devient Brainstorm. Après un brainstorming ardu, ils deviennent Brainstorm. Exactement. Ouais. On a affaire à 7 musiciens, des copains, hein, qui sortent à peu près de la même école, quoi. Ce serait peut-être l'équivalent de l'école de Canterbury, l'école de Baden-Baden en Allemagne, si yes. On aime chercher des dénominations pour des genres musicaux. Et ces quatre comparses s'entourent rapidement de 3 ou 4 autres musiciens pour fonder ce groupe, donc Fashion Pink, qui a son petit succès, hein, qui va faire des reprises diverses et variées. Je sais pas si jouer du Lalochifrine. En tout cas, j'ai entendu notamment dans les bonus de cet album, version CD, on peut écouter un peu du Fashion Pink, et il y a un morceau qui se termine un peu par un hommage à King Crimson, notamment. Ok. Ça reprend un passage de 21st Century Schizoid Man à leur sauce, hein, avec ce son-là, jazz, très fort. Et que dire de plus, Fashion Pink, tout va bien pour eux, ils font leur petite carrière, ils commencent à être vus en Allemagne, ils participent à un tremplin radio notamment qui se passe très bien, et du coup ils sont très soutenus, ils commencent à faire leur petite carrière, et puis c'est le drame, si j'ose dire, un accident de voiture, enfin, personne n'y restera, mais ça aura marqué pas mal les musiciens du groupe, il y en a deux qui quittent le groupe d'ailleurs, et puis ils décident de plus s'appeler Fashion Pink, de s'appeler Fashion Prick. Prick, ça peut vouloir dire connard. Piqûre. Non, là on est sur de l'allemand. Ça peut vouloir dire piqûre. Ça peut vouloir dire piquer. Ça peut vouloir dire crever aussi. En fait, il y a une espèce d'ironie du sort un peu pour exorciser cet accident de camion. Enfin, ils étaient tous dedans et encore une fois, il n'y a pas eu de blessure, mais ça les a quand même fortement marqués. Et ça marque le nom. Donc ils se présentent dans les studios avec ce nom-là, Fashion Prick. Et on leur dit non, mais c'est vraiment trop pourri comme nom. Non, les gars, c'est pas possible. Il faut que vous trouviez un autre nom. Et là, ils font donc un brainstorming, comme tu le disais, et puis il s'appelle Brainstorm, et pour le coup, là ça convient aux maisons de disques. Oh, putain de merde. Tout comme convient la pochette de cet album, qui est particulièrement dégueulasse, franchement il faut le dire. Ouais, quoi. Je l'ai pas vu, mais on y retrouve... J'irai jeter un oeil. Pas de parental advisory sur ce coup-là, mais on y retrouve les 4 musiciens du groupe, là, tous très barbus, poilus aussi d'ailleurs pour le coup, et chevelus, habillés peur, en femmes, dans des postures plus ou moins lascives, enfin c'est un peu dégueu quoi. Franchement c'est pas... Pire qu'un album de Black Sabbath. C'est censé être drôle, hein. Ce sont des gens aussi qui se revendiquent de Frank Zappa, donc donc l'humour appartient à la musique et ils essaient d'en faire passer un petit peu dans leur musique. C'est assez réussi musicalement, mais la pochette, franchement, fallait pas. Et c'est assez marrant parce qu'on sait que Steve Stapleton était un peu du genre aussi à choisir les albums par rapport aux pochettes, notamment, assez attiré par les covers atypiques. Bah là, pour le coup, c'est atypique, mais c'est quand même assez dégueu, enfin, je trouve, à mon goût. Ah bah, tu vois, ça justifie la question que je posais au tout début. Vaut-il mieux écouter Nurse with Wound avant d'écouter la liste, ou vaut mieux tout écouter la liste et écouter Nurse with Wound? Putain, le groupe mystère pour moi. Bah écoute, je te conseille d'essayer l'expérience numéro 2 du coup. Si toi t'as déjà écouté, je connais pas forcément tous les groupes encore, mais on est en train de s'y mettre. Vous aussi, peut-être vous le poserez. Ouais, carrément. Et du coup, je continue cette petite exploration donc, de cet album Smile While par le deuxième titre. Ça s'appelle Zwick Zwick, déjà un petit peu plus à mon goût personnellement. Et voilà, on en reparlera un petit peu juste après. Et c'est parti, Zwick Zwick, c'est Brainstorm sur Radio Radio. We'll be right back. Ouais, ben, Brainstorm, donc, qu'on vient d'écouter. Ouais, ben, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà, si on aime le jazz, les mathématiques, et Lalo Schifrin, et Chuck Mangione, j'en ai mort pas. Et aussi Robert Wyatt, j'en ai mort pas. Ouais, mais en tout cas, la non, voix c'est vrai que là, c'était un peu plus canterburien, effectivement, si je puis dire, n'est-ce pas? Tout à fait. Faut aimer la flûte aussi. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cet album. Faut vraiment aimer la flûte pour aimer Brainstorm. Smile Wild, c'est le premier album. Le deuxième s'appelle Second Smile. Et il y aura un Third Smile, mais qui est un live. Mais bon, à vrai dire. Tout est dit dans les deux premiers. Tout est dit dans le premier, même, je trouve. Ah, ok. Nico, tu connais ce groupe, autre chose à nous en dire, peut-être? Il nous entend toujours de Bruxelles. Nico, tu es toujours là? Oui, je suis là. Je ne connais pas le groupe, mais je connais plutôt Guru Guru, parce qu'il y a un des membres de ce groupe-là qui a joué dans Guru Guru. Oui, carrément. Alors, en la personne de, rappelle-moi. En la personne de, j'avais noté ça, Roland Schaffer. Oui, c'est ça. Voilà, sax, clarinette, basse et guitare. Il n'a pas joué que dans Guru Guru. Il a joué aussi dans Annexus Quam, dont j'avais parlé à la toute première édition de vraiment autre chose, spécial North Swissburg. Ce groupe de psyché prog allemand qui fait de la musique à fumer. Une longue suite, Annexus Quam, part 1, 2, 3, 4. C'est vraiment de la musique à fumer. Et très agréable une fois qu'on a fumé. Bon, bah, voilà. Stéphane, c'est à toi. Si un jour on le met à l'émission, on saura pourquoi. C'est à moi. Eh bien, écoute, on va partir du côté de l'Italie. C'est un gros voyage que nous propose cette Nos with One de la list. You know. On va écouter Biglietto per l'Inferno, un billet pour l'enfer. Un groupe milanais de 1972 qui a enregistré donc cet album que nous allons écouter, album éponyme encore. Donc, Biglietto per l'Inferno. De 1974. Nous avons droit cette fois-ci à un petit sextet. Si vous aimez la flûte, eh ben, on continue, puisque nous avons un flûtiste-chanteur. J'ai un accent italien qui est beaucoup plus sympathique, mais je vous citerai les musiciens peut-être plus tard. On va vite, on écoute un guitariste, un orgue ou synthé, ou un piano et orgue, donc voilà, deux claviers. Et une traditionnelle basse batterie qui nous propose un petit mélange de piano classique, de musique à l'orgue, de guitare saturée, un peu quand même assez hard. Pour résumer, un truc un peu psyché, hard. Il y a des réminiscences d'Atom Earth Mother un petit peu par-ci par-là, des fugues. C'est pas mal. Tu parlais de musique à fumer, puisque le morceau, il dure un quart d'heure. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il fumait en Italie à ce moment-là, mais ça va nous donner ce titre-là. Le deuxième album, il y en a eu, pour parler du groupe, il y en a eu un petit peu plus tard, Il Tempo della Semina. Ils ont continué en 2009, puis 2015. Puis le pianiste, je crois, est décédé. Donc je crois qu'il ne faisait plus partie du groupe, mais enfin, bref. Un groupe qui a tenté de renaître au cours des années 2000. Manu, on envoie le morceau et puis c'est parti, quoi. We'll be right back. di morte. Ti guardo il viso scarno, tu sorridi, sei forte. Viso cereo e gli impulsi lenti, le tue labbra scure mi fanno stridere i denti. Aspetti pacato la tua soluzione, la tua morte in agro dolce dà una strana sensazione, una strana sensazione, una strana sensazione, una strana. 23h13 sur Radio Radio, vous écoutez toujours vraiment autre chose, la petite émission musicale sans prétention d'obédience progressive, telle que nous la nommions, cher ami Stéphane, quand nous l'avons créée, et on vient d'entendre à l'instant Toujours dans le cadre de notre tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with One List, on va l'entendre à l'instant Biglietto per l'Inferno. Le titre, c'était L'Amico Suicida. Exactement. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Stéphane? Parce que comme tu nous l'as présenté, affirmé et prouvé en introduisant ce morceau, tu as un accent italien absolument pas dégueu. Je me souviens plus des noms des musiciens. J'ai pas eu le temps d'en discuter de cette musique. On devisait de choses et d'autres. Notamment, on regrettait de pas pouvoir être en direct avec toi pendant qu'on écoute cette musique. Nico, c'est ton truc, ça, Biglietto per l'Inferno? Ça, ouais. Mais une fois qu'on connaît Stormy Six. Dans l'Italie, qui est quand même fondée en 66. L'Europe, on est moins surpris avec cette formation ici. D'accord. C'est chouette, mais ça me touche moins que Stormy Six. Ouais. Okay. Alors, moi, on ne me demande pas mon avis, donc je le donne, mais c'est toujours pareil pour moi, le rock progressif italien, c'est chouette, et puis d'un coup, ça chante. Ou alors, ça devient un peu symphonique et sirupeux. Ouais. Et voilà, il y a des passages vraiment hyper aventureux qui me bottent, et en même temps, je sors complètement à certains moments, et puis c'est le cas dans pas mal de groupes de progressif italien, Premata Fermata Marconi, et je ne bluffe pas, comment il s'appelle déjà, voilà, Banco del Moto Socorro, c'est la même quoi, c'est chouette, mais il y a un moment où c'est moins chouette, et du coup, toi tu parles de Stormy Six, Nico, moi ma référence en la matière de rock et d'Italie, ça serait plutôt Area. Je suis vraiment hyper fan d'Area, justement parce que quand le chant arrive, ça rajoute un truc de plus. Attends. Vraiment fou, quoi. Vraiment un chanteur exceptionnel. Et t'es aussi méga fan de, comment s'appelle ce batteur, Fiorico Classé? Furio Chirico. Furio Chirico. Ça, j'en suis un peu revenu, j'avoue. Ah, là, enfin, j'adore le jeu de ce gars-là, mais les instrumentations autour, j'étais c'était assez fan il y a 10 ça, ans. Déjà. Mais comment s'appelle ce groupe déjà? Oh là. Ah putain, le prog. C'est il y a longtemps, ça va me revenir. On se rappelle du nom du batteur, mais pas le nom du groupe. Ça te dit rien, Nico, Furio Chirico? Vaguement, mais. Ah, c'est un batteur très démonstratif. Ouais. Il a son prénom qui lui colle bien, quoi. Furio, il est vraiment furieux. Ouais. On dirait Case Moon en version jazz, quoi. Jazz rock. Ouais. Enfin, tout ça pour dire que voilà, l'Italie nous a quand même pendu quelques pépites dans ces années-là, dont Stormy Six, dont Area, mais que c'est vrai que le rock progressif à l'italienne, je sais plus, Guénou appelait ça le tagliatelle rock, et toi tu appelais ça le mozzarella rock. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui peut devenir indigeste si on en mange un petit peu trop, je trouve. L'anchovy rock. Ouais. Et c'est à toi, Nico, que revient la joie de conclure cette exploration pour ce soir. Je pense qu'après tout ce fromage italien, il faut se retourner vers l'Hollande, parce qu'il y a aussi de très bons fromages là-bas. Et on va découvrir un peu l'univers de Han Benning, qui est né près d'Amsterdam. Son premier instrument de percussion était une chaise de cuisine. Plus tard, son père, un percussionniste orchestre, lui a fourni un équipement plus conventionnel, mais Han n'a jamais perdu le goût de tirer des sons d'objets improbables qu'il trouve dans les coulisses des concerts. Il aime toujours autant jouer des chaises. En Hollande, dans les années 60, Han Benning est rapidement reconnu comme un batteur d'une polyvalence hors du commun. En tant que hardswinger, dans la tradition de son héros Kenny Clarke, il a accompagné des stars de jazz américains en tournée, notamment Sonny Rollins, Ben Webster, Wes Montgomery, John Griffin, Eric Dolphy et Dexter Gordon. Donc un peu comme on a déjà parlé avant, le hard bop et toutes des choses comme ça. Mm-hmm. Benning a suivi des cours dans une école d'art dans les années 60. Il est également un artiste visuel à succès qui utilise plusieurs médias et construit souvent des sculptures à partir des objets trouvés, comme des pots et des baguettes de batterie cassées. Il a conçu des couverts de nombreux disques et CD sur lesquels il apparaît. Tout a changé quand à cette école d'art, un soir, Albert Ayler est venu jouer. C'est alors qu'il a réalisé qu'un section rythme n'est pas nécessaire. Et c'est ce qu'on va écouter maintenant, un morceau d'un solo de Han Benning où que le batterie n'est plus une section de rythme. On va écouter le morceau qui s'appelle Never Beats et l'album s'appelle Solo Formation. C'était Anne Bening à l'instant sur Radio Radio. Nico de Radio Panique nous présente cet artiste dans le cadre de notre tentative d'exploration radiophonique de la Nurse With One List. Oui, et si on a aussi entendu un peu que l'univers divers de Anne Bening, parce que comme il adorait de jouer le jazz, et ici c'est vraiment un autre style de musique. Il faut aussi savoir, par exemple, que Anne Bening, il ne sait pas lire les notes. Et donc, pour jouer de la jazz, il m'expliquait un jour qu'il a un peu un cinquième sens. C'est comme quelqu'un qui est aveugle, qui sait quand même marcher dans les rues. Il dit, voilà, moi, j'ai trouvé un moyen pour souvenir toutes les notes que je dois jouer. Parce qu'il ne sait pas lire, donc il ne sait pas écrire comment jouer un morceau, mais il a un cinquième sens qui lui digère pour jouer un morceau connu. Mais ce n'est pas ce qu'on a entendu maintenant. Maintenant, on est vraiment dans un autre univers de Anne Bening. Il est pianiste. Excusez-moi. Il est pianiste, Anne Bening. Non, c'est un batteur. C'est un batteur. D'accord. Mais ce n'est pas uniquement batteur, mais il joue aussi la flûte, les clarinettes, plusieurs instruments. D'accord. C'est un multi-instrumentaliste. De lire les notes, du coup. Mais il est vraiment connu comme un batteur. D'accord. Parce que si pour un batteur, il y a des partitures qui existent où les notes sont indiquées. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la joie de voir Anne Bening en concert il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a 2 ans, peut-être 3 ans, au festival Bénin Interdite, puisque ce monsieur est encore en activité. Enfin, en tout cas, elle était encore il y a 3 ans. Elle nous a fait un solo de batterie, mais c'était plutôt une espèce de tambour qu'il avait, qui frottait, qui caressait, qui percutait, et sur lequel il faisait frôler des enceintes Bluetooth qui diffusaient des sons plutôt bas, des gros sons de basse, et ça donnait des infrabasses de ouf dans cette église-là. Et c'était assez épatant, quoi, de voir ce gars-là, avec la longueur de sa carrière, toujours à... aller chercher même dans les objets usuels et contemporains tels qu'une enceinte Bluetooth, d'aller chercher à faire des choses distordues avec et de continuer son exploration même avec des choses actuelles. Et c'était hyper bien. Franchement, je suis pas fan de l'informatique, du Bluetooth et de choses comme ça dans la musique, mais là pour le coup c'était hyper bien utilisé au service du... Ouais, ça racontait vraiment une histoire, son solo, c'était magnifique. Et du coup, à l'occasion de l'exploration de cette liste, j'ai écouté cet album-là aussi, là, solo, celui dont tu viens de diffuser un titre, et c'est... Ouais. En écoutant ce qu'on vient d'écouter, je me disais, est-ce que c'est pas ça que l'homme des cavernes le plus mélomane pouvait jouer, quoi? Attention, je dis pas ça de façon péjorative, mais dans un sens où c'est très primitif, parce qu'il y a, le corps, la bouche... qui lui sert de percussion, il a un tambour. On peut imaginer que faire un tambour, c'était pas ce qu'il y avait de du moins frapper sur quelque chose. Et comme il dit, il n'y a pas de notes, donc il a l'air de frapper plus ou moins au hasard. Et ça fait sacrée performance, mais ça fait musique des grottes un peu, j'ai trouvé. Mais c'était très appréciable. Voilà, en tout cas, pour avoir des images comme ça, c'est toujours agréable. Parce que pour moi aussi, des musiciens qui connaissent tellement bien leur instrument, qui se limitent à un instrument et qui vont découvrir les nouvelles frontières, pas dire oh, il faut le jouer comme ça ou comme ça. Non, on expérimente avec l'instrument et pas uniquement avec l'instrument, parce que l'instrument, c'est quoi? C'est tout ce qu'on tourne de le monsieur. Donc les chaises, le bois, le... La voix. Oui, et pour lui, il n'y a pas de limite de son instrument. Il ne voit pas la différence entre une chaise et la batterie. Pour lui, c'est vraiment une unité. Il utilise vraiment cette unité-là. Et pour lui, ce qui est important, et avec beaucoup de musiciens qui jouent avec la recherche de son, c'est qu'ils ne sont pas uniquement focalisés d'avoir les bonnes notes ou je ne sais pas quoi, mais ils sont plutôt à la recherche d'une tonalité, un son très spécifique. Et ils sachent comment le reproduire après. S'il y a un autre matériau qui est là, ils peuvent quand même reproduire le même son avec un autre matériel. Et ça, je pense que c'est assez important. Et c'est aussi une chose qu'ils faisaient, et ça, c'est plutôt aussi le début de Free Improvised Music, c'est qu'ils écoutent bien les autres. Dans cette musique, ils jouent leur rôle, mais... Ils sont dépendants de ce qui se passe avec les autres. Ici dans un solo, il est dépendant de lui-même et aussi du public. Mais il est aussi un des fondateurs de Free European Improvised Music Scene avec Peter Brutzmann et Fred Van Hoff. C'était les trois grands messieurs pour le nouvel mouvement de Free Music. Et c'était justement ça, c'est les gens qui sont toujours à la recherche aussi. Si on voit un Fred Van Hoff, comment il joue son piano, c'est pas comme un pianiste traditionnel. Il joue le piano, il le touche pas comme une personne habituelle avec ses doigts, mais c'est plutôt que, je sais pas comment expliquer ça en français, mais ses mains glissent vraiment autour de son clavier et on voit pas qu'il touche des notes. Et il a trouvé son propre manière de jouer le piano. Et aussi Peter Brutzmann avec son sax, il a trouvé aussi une manière d'utiliser son instrument, de créer son propre son, toutes des choses comme ça. Et ça, c'était la richesse de ce trio-là, parce que c'est ce qu'on va écouter maintenant. On va vraiment d'écouter Hans Benning dans une autre formation qui est la base de free music en Europe. Et là, c'est avec un octet qui s'appelle le Peter Brutzmann Octet. Et là, c'est vraiment ici, on a entendu vraiment toutes les petites sonorités très fragiles. Et maintenant, on va écouter vraiment le contraire. C'est vraiment une explosion sonore qu'on va écouter. We'll be right back. Waouh, ouais, effectivement, on passe du tout au tout. Audrey. Oui, tout à fait. Et donc, c'est 23h, presque 40 sur Radio à Toulouse. Et on vient justement de réveiller nos auditeurs, auditrices, avec la musique de Peter Brutzmann Octet. Et là, c'est un octet qui est constitué avec deux contrebasses, de Buski Nibergal et Peter Kowalt. Trois saxos, c'était Yvon Parker, Peter Brutzmann et Willem Brugger. Deux batteurs, Sven Ecke Johansson et Han Benink. Et au piano, c'était Fred Van Hoof. Et le morceau, un chouette titre, Music for Han Benink, Take One, qui vient de l'album Machine Gun, qui était sorti en 68 sur le label de Peter Brutzmann, qui s'appelait Bro. Eh bien, voilà qui est bien résumé, mon cher Nicolas. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, on va se faire un petit résumé. C'est la fin de l'émission, si je ne m'abuse, mon cher Manu. Mais oui, carrément. Ouais, t'envoies pas un petit générique de fin? Ah. C'est le générique de fin. Peut-être le baisser un petit peu. Ouais, ça s'appelle Jean Cohen Solal, le monsieur. Il fait partie de la Nursery Zone List. On en reparlera plus tard. Ce titre, c'est Captain Tarte aux Pommes. C'est notre nouveau générique. De résumé. Comme nous traitons de la Nursery Zone List. Ce soir, on a écouté énormément de choses et on va les récapituler en peu de temps. On a écouté 6 extraits de l'album Von Golda Fischer de Anton Bruin. On a un petit peu parlé de... Anton Bruin, dis-le en entier, s'il te plaît. Pardon ? Il a un autre nom plus complet que Anton Bruin. Non, non, Anton Bruin, B-R-U-H-I-N. Ah, ah, voilà, il s'appelle comme ça, ce musicien qui joue de beaucoup d'instruments, dont un qu'il a fabriqué, et qui joue aussi de la guimbarde. On s'est longtemps arrêté sur la guimbarde, et sur cet album qui contient 20 pistes de free folk assez surprenant, assez bizarre, plutôt contestataire apparemment, et étrange, et où on s'y retrouve avec plaisir. Si on parle suisse roman. Tout à fait. Ensuite, on est passé à... Ah, bah, c'est toi, Stéphane, d'ailleurs. C'est toi qui nous as parlé de Banten. Banten, ouais, exactement. Je vous ai passé Dick Dick et Monk's Mood dans une ambiance très jazzy, très sympathique. Voilà, avec un violoncelliste de talent, des musiciens de talent, un groupe, un album que je vous recommande, voilà. Tout simplement, si vous aimez le jazz et que vous voulez un truc un petit peu plus frais, ben bah, voilà, Banten et... Si vous aimez pas le jazz, bah écoutez quand même, ça vous fera du bien. Nico, ensuite, c'est toi qui nous as parlé de Steve Hereford. Tout à fait, donc c'est le multi-instrumentaliste londonien qui a commencé de sortir des albums en 73 et on a entendu un morceau d'un solo album de lui qui s'appelait The Bird of Surprise et le morceau s'appelait Lutheran Dub. Et de l'autre côté, il a aussi joué avec une grosse formation de 10 musiciens. Et cette formation s'appelle The 49 Americans. Et là, on a entendu 3 morceaux très courts. Sounds Like Ska, plutôt de musique inspirée par le ska. Should Be More Ideal, plutôt, comment on disait, le reggae. Et le Heritage. Et donc, c'était de leur album I Pluribus Unum, sorti en 80 sur le Choo Choo Train Records. Ensuite, c'est notre ami Guénolé qui n'est plus là, mais qui nous a fait découvrir sa passion pour Franz De Bille avec un titre solo là, qui s'appelait Let Us The Pop. Et ensuite, Drink Muddy Waters. L'album qu'il a particulièrement plu, le duo avec Einar Aunhaus. Par la suite, Nico nous a un peu refroidi sur l'enthousiasme qu'on pouvait avoir pour le monsieur et pour sa musique. Effectivement. Mais ce sont des choses qui arrivent, t'as pas à être désolé. Au contraire, c'est bien de parler de ça aussi. On va faire un débat hein, sur ça, l'artiste précédent de l'œuvre, etc. Enfin, tac. Là, en tout cas, moi, je suis toujours content quand les mauvaises infos, je les ai après avoir découvert l'œuvre, quand l'œuvre est intéressante. Et là, c'était vraiment le cas. Ensuite, on a écouté Brainstorm. On a écouté 2 titres de l'album Smile Wild, de ces joyeux Allemands très très inspirés par Lou Canterbury et Frank Zappa, et qui ont mal de chien à choisir aussi, un nom. Là aussi, un drame avec accident de voiture et tout. Je me souviens qu'on est parti dans un pathos à un moment, c'était profond. C'est vrai que c'est une émission fortement marquée par les drames et par le jazz ce soir, je trouve. Il y avait beaucoup de sons de jazz par rapport à d'habitude et quelques, quelques petits drames, enfin petits non, quelques drames tout court. Non, mais c'était ce cœur de l'émission, il fallait le rappeler pour faire un bon récap, il faut dire quand même. Bah ouais. Écoute, on avait fait une émission thématique autour de la mort, tu vois, une fois, quand t'étais pas là, c'était hyper fort et puissant, mais Nico avait participé d'ailleurs, et là, ouais, on est plus sur la question des drames, et on a fini avec Anne Bening. Ah, ouais, tout à fait. Oui. Encore un autre multi-instrumentaliste hollandais, et on a entendu un morceau solo qui venait de son album Solo for Masha, qui était sorti en 1974 sur le Instant Composers Pool, et le morceau s'appelait Never Beats. Et pour clôturer l'émission, nous avons entendu un octet de Peter Brutzmann Octet, qui était un des albums de phare pour le Free European Music Scene. Ça s'appelait The Machine Gun, qui était sorti en 1968, et le morceau s'appelait Music for Hand Bending Part 1. Ok, bah c'était ma foi une soirée très riche. Merci beaucoup Nico, ça fait plaisir de t'avoir tout au long de l'émission comme ça. C'est vraiment chouette. C'était un grand plaisir aussi d'être avec vous en direct tout le temps. Ouais, et bah, écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos explorations. Stéphane, pareil, c'était trop un plaisir. Partagé, carrément. Donc écoute. Et bah, à très bientôt à tous et à toutes. On se retrouve très vite. Restez à l'écoute de Radio, il y a du beau, il y a de belles petites playlists qui se préparent. Là. Dans une dizaine de minutes, il y aura notamment un petit enchaînement Vialka Electric Masada.